La grande toilette. Lasse de l'épandage de nos puants étrons, la terre a décidé de faire une toilette par l'intermédiaire d'une petite bête pour être belle à l'heure où nos enfants naîtront. Quand le ver sur la plaine nettoie la purulence, proche est la guérison des blessures du monde. S'effacent des jardins les ordures immondes quand le feu purifie toutes nos pestilences. Notre foyer, cette planète immaculée, mais tant de fois souillée, malmenée, violentée, a déclaré la guerre envers l'humanité et lance son armée contre elle pullulée. Constamment recrachée vers nos corps affaiblis, depuis que condamnés à de contraints oublis, les villes sont sauvées de nos chers véhicules et dans l'air disparues les sales particules. Les gens effarouchés devant l'autre, invisibles, peureusement se cachent au fond de leurs abris, où ils s'agacent tous comme de fous cabris. Soudain la vie leur est un bien inaccessible. Chacun dans sa torpeur se plaint et s'interroge face à l'ampleur du mal. Certains cherchent les causes, d'autres voient un destin dans la métamorphose, laquelle permettrait que nos fautes s'abrogent.